écouter Planète Indie sur votre fréquence préférée et partir à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are Rash Monster. Yeah, let's see. You know what's new, let's go on the way, so wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez vos instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie en ce samedi après-midi ensoleillé, très ensoleillé. On dirait que l'été a mis un peu de... Enfin, on ne dirait pas, il a mis un peu de retard pour arriver. Mais il a probablement décidé de décaler un peu ses vacances aussi pour cette année, cet été 2021. Donc il est là aujourd'hui. On est très très heureux de l'accueillir dans ce studio. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir travailler un peu avec les fenêtres ouvertes et sentir un peu les rayons du soleil dans son dos. C'est un peu plus agréable. Si vous voulez tout savoir, ça a été un peu chaotique pour arriver jusqu'à ce studio aujourd'hui. Mais comme vous voyez, on est là, au rendez-vous, à l'heure. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir pour cet épisode numéro 434 de Planète Indie, émission de rentrée puisque nous sommes le 4 septembre 2021. Si vous nous écoutez en rediffusion du dimanche, eh bien nous sommes le 5 septembre. Et on a de nouveau un programme, tout ce qu'il y a de plus intéressant pour aujourd'hui avec pas mal de bonnes choses. Et ben, je vous propose de commencer tout de suite pour se remettre les idées en place avec un groupe qu'on a découvert le mois dernier. Un groupe que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Escuela. On va les écouter avec First World Problems. Il y en a plusieurs. Et puis on retournera sur notre powerplay d'il y a 2 mois, je pense. C'était Steve Janek. Et on écoutera un morceau intitulé Dance With You. On aura nos autres rendez-vous habituels. Hein, la BD du mois. On ira voir un peu la programmation du côté des salles de concert. Et puis voilà, les autres manifestations éventuellement, mais c'est encore assez calme pour le moment. J'ai pas de communication spéciale à vous dont je vais vous faire part aujourd'hui. Allez, place à la musique avec Escuela et First World Problems. Take prisoner.

Ah, on a fait fort pour commencer cet épisode numéro 434 avec à l'instant Steve Yannick, Dance With You. Et puis avant cela, c'était le groupe Escuela et First World Problems. On va poursuivre toujours dans la bonne musique avec Beauty in Chaos, avec featuring Wayne Kusav. Alors, j'ai pas pris mes lunettes en plus. The Delicate Balance of All Things. Voilà, c'est le titre de ce morceau. Et puis, on écoutera un trio, Troner, Priest et Brown, avec United State of Mind. C'est tout de suite, c'est dans Planet Indie. We'll be right back. 5 a.m. in the morning. Rave was getting me down. Had to stop the world from spinning, spinning round. I don't need no company. Horizon be my friend. My wildest thoughts I'd follow to the end. On a lonely highway. How I play. This world is mine. On a lonely highway. This United State of Mind. Wasting all my time, searching for what came after, couldn't find. Take me from my shadow, let me see the light. I've been down the killing floor, gangsta ride. On a lonely highway, this world is mine. On a lonely highway, this United State of Mind, state of mind. United State of Mind, c'était le trio composé de Priest, Brown et Throner. Et puis avant cela, c'était Beauty in Chaos avec The Delicate Balance of All Things. Et pour ce morceau, ils étaient accompagnés de Wayne Hussey. 17h21, je vous propose d'aller faire un petit tour sur notre album Power Play. Alors, ce mois-ci, il nous emmène aux États-Unis. C'est vrai qu'on y va quand même assez régulièrement. Et on va du côté de Nashville, cette ville qui est une vraie pépinière de talents qui héberge nombre d'artistes et de groupes actifs essentiellement eh bien, dans le monde de la musique folk, country et Americana. Nous allons découvrir et nous pencher eh bien, sur le groupe Sugar Lime Blue aujourd'hui et dont on peut faire eh bien, dater les débuts de ce groupe en 1999. Donc comme vous voyez, ça remonte déjà un certain temps. Cette année-là, en effet, que Dave et Ashley Bett se sont rencontrés pour la première fois. Ça se passait au Texas. Pour la petite histoire, Dave est originaire du Maine et Ashley du Kentucky. Ne me demandez pas ce qu'ils faisaient au Texas au moment où ils se sont rencontrés. Ça, l'histoire ne le dit pas. Contrairement eh bien, à beaucoup d'autres duos, ils sont d'abord tombés amoureux, se sont mariés et ce n'est seulement qu'après un certain temps qu'ils ont orienté eh bien, leurs sentiments et leur amour vers le monde de la musique. Avant cela, Après avoir envisagé d'aller vivre dans le Maine et dans le New Jersey, eh bien, elles sont finalement décidées à poser leurs valises dans le Tennessee, à Lebanon, pour être tout à fait précis. C'est tout près de Nashville, comme je vous le disais en préambule, et ça se passait donc en 2004. Le groupe a donné ses premiers concerts en 2007, et pendant plusieurs années, plusieurs musiciens ont été intégrés au duo, qui était à la recherche eh bien, de son propre son, de sa propre marque de fabrique, mais eh bien, sans jamais convaincre. Ça, je parlais des musiciens qui ont intégré le duo et ils en ont testé quelques-uns. Si bien qu'en 2010, eh bien, Dave et Ashley sont sur le point de laisser tomber l'idée de former un vrai groupe et de ne se tourner finalement que vers la formule qui, en principe, n'était que temporaire, mais pour eux, ça a commencé à devenir tout doucement définitif, eh bien, du duo acoustique. C'est à cette époque eh bien, qu'ils font la connaissance de Russ Dean, qui vient de s'installer dans la région de Nashville, après avoir quitté la Californie. Suite de l'histoire dans quelques minutes, donc suite de l'histoire de ce groupe Sugar Lime Blue, on écoute leur album aujourd'hui qui s'appelle Narcoleptuous. C'est une pochette très sobre, très blanche, avec eh bien, la moitié du visage d'Ashley. Et puis simplement le titre de l'album, même pas le nom du groupe sur la couverture de cet album. Donc je vous propose un premier extrait. Celui-ci s'intitule Keep On Keeping On. C'est donc extrait de notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, épisode numéro 434. Powerplay. Just keep on keeping on.

C'était un duo qu'on écoutait à l'instant, celui de Mark Viator avec Susan Maxley. Maxey, pardon, pas, y a pas de L, on les écoutait avec Teach Me How to Stay, cet extrait d'un très bon album qui s'intitule Where the Road Leads, et bien où les routes nous emmènent, bien chacun sa route, on pourrait dire, chacun son chemin. Voilà. Avant cela, donc, c'était notre Power Play, c'était l'album, un extrait de l'album Narcoluptuous du groupe, j'allais dire. Je ne sais pas comment on dit originaire du Tennessee, Tennessien ou Tennessee, je ne sais pas comment on dit en français, il faudrait se renseigner. Enfin bon, un groupe originaire du Tennessee, Sugar Lime Blue. On en retrouvera eh bien, deux autres extraits un peu plus tard dans cette émission, mais avant cela, eh bien, je vous ai mis une vidéo de ce groupe sur notre page Facebook, puisque Planet Indie est disponible aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous ai mis le morceau Dance in the Sunshine, la vidéo officielle de ce morceau qui eh bien, ouvre cet album. Et puis nous avons aussi un site internet par lequel vous pouvez nous écouter où que vous soyez si vous êtes hors de portée des ondes radio. 3xwilovemusic.gq. Attention, c'était GA, c'est devenu GQ. J'ai essayé de récupérer le GA, j'ai plus ou moins réussi, mais ça ne fonctionne pas encore de façon adéquate. Donc, suite, j'espère, fin au prochain épisode. Avant de poursuivre en musique, eh bien, je vais vous parler de la programmation de notre partenaire de la Rocal. Ça va être assez léger, mais ça recommence tout doucement à prendre forme. Donc jusqu'au 9 novembre, vous avez l'exposition Dinosaur Invasion, donc difficile d'organiser des concerts. Le 17, eh bien, ce sera le Rock Against Cancer, hein, ça se passe tous les ans. Alors les concerts du 18 et du 23 septembre, à savoir PNL ou PNL et Steven Wilson, eh bien, ils sont annulés malheureusement. Vous avez toujours le Screaming Field Song Concert. Contest, pardon, ça se passera de manière virtuelle en ligne, donc allez voir les informations sur le site du Rock Lab qui organise cela pour avoir plus d'informations. Sont toujours annoncés les concerts du 27 septembre, 5KHD, le Unplugged Tour, mais ça se passera aux Rotondes, et celui du lendemain, Laura Cox, organisé donc toujours par la Rocale et à la Rocale elle-même. Voilà, les dernières mises à jour, eh bien, je vous renvoie à leur site internet www.rocale.lu. Nous pour l'heure, eh bien, donc, nous poursuivons en musique avec Thrift Bakery et un morceau intitulé 60 Going Nowhere, et ils seront suivis de Ruby Lovett, Bright Side of Morning. We're approaching 60. Maybe I can't kick you. Disregard the numbers. Now you know my name. 60 going nowhere. Disregard the numbers. 60 going nowhere. Maybe I can't kick you. Oh, dyno. We can both accelerate. Better get out of my way. If you go to 60, control direction. 0 to 60. Better get out of my way. Alors, le Ruby Lovette, il nous fait des misères, il ne veut pas démarrer. On va essayer de le démarrer avec un autre programme hein, pour voir si ça va. Comme ça, vous savez tout. Donc, voyons voir si ça va mieux comme ça. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Ruby Lovette, Bright Side of Morning. Wish we could be forever in that peaceful place where we all feel compassion for the whole human race, where winds of change blow gently, hate and anger slip away, and we practice human kindness every single day. On the bright side of morning, the sun's rising high, and there's not a cloud in the clear blue sky, and the whole world wakes up with hearts open wide. On the bright side, the bright side of morning. Feel tides are turning, feel them wash away the blame. Now we love one another, though we don't believe the same. And our children don't judge color, all are treated equally. What ends this war between us begins with you and me. Bright side of morning, the sun's rising high, and there's not a cloud in the clear blue sky, and the whole world wakes up with hearts open wide. On the bright side, the bright side of morning. Dark is just before the dawn, but if we can make it till the night moves on, and on the bright side of morning, the sun's rising high, and there's not a cloud in the clear blue sky, and the whole world wakes up with hearts open wide. On the bright side, the bright side of morning. On the bright side, the bright side of morning. Wish we could be forever. Il est assez court finalement ce morceau de Ruby Lovett, Bright Side of Morning. D'ici quelques minutes, eh bien, nous repartirons sur notre album Powerplay, l'album du groupe Sugar Lime Blue. Avant cela, je vous fais part de la programmation de Neumünster. Alors, vous avez demain, comme d'habitude, le concert apéro jazz du dimanche midi, enfin dimanche à 11h. Demain, ce sera le trio Tudance avec leur concert Songs of Praise. 12 septembre, donc, ce sera dimanche prochain, le concert de Ezinam. Ensuite, 19 septembre, toujours à 11h, hein, le concert Duology, Paduar del Tenre, je ne sais pas trop comment ils font prononcer. L'un d'entre eux, d'ailleurs, fut l'ancien pianiste de Claude Nougaro et de toute Tillemans. Ensuite, ça nous amène au 26 septembre, le Veda Bartringer Quartet. Ce sera toujours à 11h. Et puis, on arrive au 3 octobre. Il y a le concert de Claude Chamichian, un concert intitulé In Spirit. Et puis, sachez aussi que jusqu'au 30 septembre, Paul Bellardi, qui est un jeune compositeur et multi-instrumentiste, maintes fois récomposé et reconnu notamment sur les scènes locales et internationales comme l'initiateur d'expériences sonores inouïes, est en résidence à l'abbaye de Neumünster et il s'est lancé avec énergie dans un tout nouveau projet. Plus d'informations, eh bien, je vous renvoie ici aussi au site de l'abbaye de Neumünster, www.neumünster.lu, et puis vous allez dans la section culture et vous choisissez la programmation musicale et vous aurez toutes ces infos. Voilà, je ne peux pas être plus précis que cela. Donc on poursuit en musique avec Sue Anderson, A Bunch of Flowers in San Francisco, et puis après elle, eh bien, nous retournerons sur l'album Narcoluctus de Sugar Lime Blue. Vanilla in the sky, sunflowers by the porch, lavender in the hallway, Hawaiian breeze from upper floor. While lilies on their wedding, there's a photo in a frame, taken centuries ago, letting me know that we all have a place in history. A bunch of flowers made me in a West Coast town. A bunch of flowers of different kinds, of different colors. A bunch of flowers made me in a West Coast town. A bunch of flowers of different kinds, of different colors. Some stay with splendor to be admired. Some with it but still alive, though you wonder what or who gives them strength. A boat on the bay on a day with no fog in sight takes you to the Angel Island and it feels like heaven. A bunch of flowers made me in a West Coast town. A bunch of flowers of different kinds, of different colors. A bunch of flowers made me in a West Coast town. A bunch of flowers of different kinds, of different colors. A ride with a bus takes you along the shady places, like the open air home beneath the interstate to 80. 24/7 darkness, residence. While in my room I can choose when to turn out the light. Tender jazz picked up from New Orleans. And before I go to sleep, there's a song out on the sidewalk. Vanilla in the sky, sunflowers by the porch, lavender in the hallway, Hawaiian breeze from upper floor. A bunch of flowers met me in a West Coast town. A bunch of flowers of different kinds, of different colors. A bunch of flowers met me in a West Coast town. A bunch of flowers of different kinds, of different colors. Of different kinds, of different colors. Of different kinds, of different colors. Vanilla in the sky, sunflowers by the porch. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Sue Anderson. Elle nous interprétait A Bunch of Flowers in San Francisco. Ça veut dire un bouquet ou une poignée de fleurs à San Francisco. Voilà, c'était assez facile à traduire. Alors, 17h50, retour sur notre album Powerplay, comme je vous l'annonçais, l'album Narcoluptus de Sugarlime Blue. On s'était quitté tout à l'heure en 2010, au moment où la paire Dave et Ashley Bett étaient eh bien, sur le point d'abandonner l'idée de fonder un groupe complet et allaient se concentrer sur la formule du duo acoustique. Ils ont à ce moment-là fait eh bien, la rencontre de Ross Dean, qui venait d'arriver dans la région en provenance directe de sa Californie. Le duo est donc devenu un trio, mais essentiellement et la plupart du temps toujours de manière acoustique. Au moment de cette rencontre, eh bien, leur premier album Far From The Time, Far From The Fire, pardon, là, je ne sais plus le relire, était déjà à moitié terminé. Russ a donc ajouté la basse aux chansons qui étaient presque finies, mais quand même considérées comme incomplètes. Et puis quelques autres morceaux ont été écrits et enregistrés, ce qui a permis de sortir de manière indépendante cet album en 2011. Le groupe a continué à tourner, souvent dans sa version trio, occasionnellement en version électrique donc, avec l'ajout d'un batteur et d'un claviériste au rythme d'une soixantaine de concerts par an. Pour l'essentiel, eh bien, ces concerts se faisaient autour de leur camp de base de Nashville, c'est-à-dire dans les États voisins comme le Missouri, l'Ohio, l'Indiana, le Kentucky, la Géorgie, entre autres, voire même une petite pointe en Alabama de temps en temps. On s'écarte. Ce qui les aura permis eh bien, de se construire une petite mais solide réputation. En 2012, eh bien, nouvelle étape d'enregistrement. 5 nouvelles chansons qui devaient constituer la première moitié de leur nouvel album. À cette époque, eh bien, le groupe avait trouvé une certaine stabilité dans sa composition, avec un batteur et un guitariste de pedal steel. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le pedal steel, c'est une guitare mais sans caisse de résonance. Et, voilà, on appelle aussi sliding guitar, où la guitare est à plat. Enfin, c'est une sorte d'instrument, une guitare à plat avec des cordes et... Et ben voilà, je sais pas trop comment vous décrire ça autrement, mais allez voir sur internet un pedal steel et puis vous verrez tout de suite ce que ça veut dire. Et bien nouveau, et bien le groupe s'est retrouvé sans son batteur et s'est donc mis de nouveau, c'est un peu la quête du Graal pour eux, la quête d'un nouveau batteur. Ils en ont testé plus ou moins une douzaine au cours des deux années suivantes, mais heureusement et bien ils ont pu compter sur l'apport occasionnel d'amis ou de membres de leur famille qui jouaient aussi de la batterie par le passé. En 2013, ils ont commencé une toute nouvelle série dont on va parler plus tard. Un petit teasing pour la troisième étape de la présentation du groupe de Sugarlime Blue. On les écoute donc en second extrait avec le morceau intitulé Fool's Lament, c'est notre powerplay donc aujourd'hui dans Planet Indie, épisode numéro 434. Powerplay. Powerplay. Thank you. Inside song. Voilà, c'était Tane Newman avec un très beau morceau, Into the Delight. On s'est mis le Glass Museum, le morceau Sirocco en fond musical. En même temps, je vais vous parler de la programmation de la Culture Fabrique. Aujourd'hui, il y avait un festival, j'imagine. Ça a commencé à 14h, ça se termine à 19h, mais c'est complet. Ça s'appelait Industrial Peep Shows in Featuring Under the Reefs Orchestra. Vendredi 24 septembre à 20h, ce sera l'album release de Scarred. Le 25, Oneness Release Party de Pachamama Family. Mardi 28 du 9 à 20h, Camilla Sparks et Peter Kernel et Tambor, ça s'appelle A Night on the Camper. Et puis le 2 octobre, il y aura le concert, c'est du métal de Parity avec en première partie Pleasing et Legacy of Atlas. Voilà pour la programmation de la Culture Fabrique, www.culturefabrique.lu. Et puis nous on laisse la place donc à Glass Museum et leur morceau Sirocco. Ils sont belges, ils s'appellent Glass Museum et nous ont emmenés dans le désert puisque le morceau s'intitule Sirocco, 18h08. Eh bien, je vous propose de découvrir la BD du mois. Eh bien, ce mois-ci, je devrais même dire les BD du mois puisque je fais d'une pierre deux coups. On fait souvent d'une pierre deux coups d'ailleurs. Ce mois-ci avec deux BD. Je vous les propose parce que ça fait partie de la même, elles font partie de la même série. Elle s'appelle Mission Expo 67 et Opération Grande Zora. Le résumé en est le suivant. L'été 67 s'annonce particulièrement chargé et ambitieux à Montréal. C'est dans la capitale québécoise que se tient l'exposition universelle. Cependant, aux millions de visiteurs ont prévu de se mêler toute une série de barbouzes très peu recommandables. Heureusement que la S6 veille. Toujours bien renseignée, la section spéciale de la sécurité des services secrets supranationaux a dépêché sur place deux de ses plus brillants spécialistes. Alan Smithy, français austère, parsemant ses phrases de locution en latin, À ses côtés, l'agent MacGuffin, blonde, écossaise et téméraire, dont personne ne semble connaître le prénom. La première menace que la très sympathique paire d'équipiers devra annihiler consistera à récupérer les plans d'une arme atomique bon marché et accessible que son créateur, le professeur Notz, désire divulguer et rendre public de telle sorte que tout un chacun serait en mesure de mettre au point son petit explosif personnel, ce qui plongerait le monde dans le chaos nucléaire. Ensuite, eh bien, pas le temps de souffler car la S6 a eu vent d'un complot mis sur pied par d'anciens membres de l'OAS désireux de profiter de la venue du général de Gaulle pour lui régler son compte. Pour déjouer ses intrigues, le duo pourra compter sur son flair, son expérience, son relatif anonymat, ainsi que sur l'aide technique précieuse, enfin précieuse quoique, du référent local, l'agent Morisset, encombrant novice des renseignements canadiens. Délicieusement rétro, cette collection exploite elle aussi le bon dosage d'action, de dérision et d'humour que d'anciennes séries britanniques d'espionnage comme Chapeau melon et bottes de cuir ou Le Saint proposaient. Entre une MacGuffin aussi létale que Mrs. Peel, aussi sexy qu'Uma Thurman en Black Mamba, et un Smithy tout en flegme britannique à la Steed, mais sous les traits de Ventura dans Les Tontons Flingueurs, se croise une galerie de second rôle, à la tête desquels on trouve donc Morisset, sorte de mélange à la sauce poutine, entre Gaston Lagaffe et Forrest Gump, et dont le véhicule personnel semble voué à faire les frais des cascades des deux héros. De plus, leur chef s'appelle même Mère Grand. On trouve également des références à toute la période des 60s, les chansons mythiques, les actualités, les personnalités, la mode, les mœurs, les films. Les scénarii, qui ne veulent pas se prendre au sérieux, bien évidemment, restent bien bâtis, tandis que le graphisme, on l'aura compris, tend vers la caricature, même si la reproduction qui a été faite de l'événement historique de l'Expo donc 67 est restée plus que fidèle, et cela grâce à tout un travail de recherche et de souci du détail qui a pris près d'un an. On pense par exemple au célèbre restaurant Montreal Pool Room ou encore au quartier de Verdun ou d'Outremont. Les couleurs folles sont elles aussi eh bien, carrément dans le ton de l'époque yéyé. En conclusion, eh bien, moi j'en dis que c'est une excellente série québécoise qui n'a rien à envier à d'autres publications. Très rafraîchissant, le cocktail offert promet au lecteur de bons moments remplis de sourires, voire carrément de rires. De plus, le contexte géographique apporte en sus un peu d'exotisme au lectorat européen, a priori pas particulièrement au fait des actualités du pays des érables. En espérant que la passion du scénariste pour l'histoire et la franche réussite de ce diptyque le pousseront à poursuivre l'aventure et à nous régaler avec de nouvelles missions pour les preux paladins de la S6. On imagine que le thème de l'Expo 67 est maintenant épuisé, il reste donc à trouver d'autres filons, qu'ils soient canadiens ou autres, puisque l'agence a une vocation supranationale. En tout cas, ce sera une affaire à suivre. Voilà pour ces deux BD, Mission Expo 67 et Opération Grand Zora. C'est de Duguay et Villot, ce sont donc des auteurs québécois. C'est sorti chez nous, en tout cas, aux éditions du Tiroir. Je vous ai mis la conclusion sur notre groupe Facebook et puis vous pouvez retrouver la page, la fiche de lecture complète sur le site de Planète Indie, www.ilovemusic.gq. Voilà pour cette petite capsule BD dont vous avez pris maintenant l'habitude. On poursuit maintenant en musique avec le groupe West of Eden et un morceau, alors là je ne sais pas si je vais m'aventurer à prononcer, ça doit être du suédois, mais je ne sais pas s'ils ont collé plein de mots ensemble. Ah ben, on va tenter le coup quand même. Salang Skutankanga, voilà, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, le groupe, ce que je sais, c'est West of Eden. Hey, this is Elijah Tucker, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mindle Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att få en kyss eller två i en nyrande dans. Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn, höra böljornas brus och kunna sjunga? Och vem har sagt att just du ska ha bästa meny och som fågeln på vågorna gunga? Och vid motorernas gång och ifall vatten blir lång, så minns att snart klämta klockan för dig, ting ting dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Så ta med glädje ditt jobb fast du lider, snart får du vila eviga tider. Men inte hindra det alls att du är glad och ger hals, så kläm nu i med en verklig sjungande vals. Att du lever min dröm och kan valsa omkring ut i Havana. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibiens passadvind kring pannan. Och klara jobbet med glans, gå i land någonstans, ta en kyss eller två i en nyrande dans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. s'appelle Brandy Vezina. Elle nous interprète Waiting on a Ring. 18h20, l'émission Planet Indie numéro 434 touche tout doucement à sa fin. On doit encore faire une troisième incursion sur l'album Narco Loop Tours du groupe Sugar Lime Blue. Et on s'était arrêté en 2013 et je vous disais que le groupe venait de lancer une nouvelle série. En effet, ils se sont mis à enregistrer chaque semaine une chanson en version acoustique, pour la plupart des reprises, d'en faire une vidéo et de la dédier à l'un de leurs fans. C'est ainsi que sont nés les Sunday Shootout, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur page YouTube. La première chanson, eh bien, c'est une reprise du morceau « Do It Again » de Steely Dan. En 2015, le groupe s'est rendu compte qu'il s'était un peu trop éloigné des chansons qui étaient prévues pour son nouvel album. Ils ont donc décidé de les sortir séparément avec simplement une autre chanson qu'ils avaient enregistrée l'année précédente. « Move That Earth » est ainsi sorti donc en 2015. Et grâce à une campagne de financement participatif, il a aussi été possible d'en publier une version vinyle, puisque depuis quelques années, on assiste à une sorte de renaissance du support vinyle. Ils ont aussi créé une vidéo enregistrée simplement à partir de leur téléphone portable dans la ferme de la famille Bess pour la chanson principale de cet album, Move That Earth. L'album Narco Luptuos est donc le troisième et dernier en date. Il commence déjà à dater un peu puisqu'il est paru en mai 2019. Le son, vous avez pu vous en rendre compte, c'est de l'Americana avec une très forte et puissante coloration de blues rock. Il a été enregistré dans le légendaire studio Bluebird à Nashville. Le groupe travaille actuellement sur son album, le quatrième. On vous tiendra bien entendu au courant des développements ultérieurs dès qu'on en saura plus. Si vous désirez plus d'informations sur leur groupe, eh bien, vous pouvez directement aller voir leur site internet www.sugarlimeblue.com. Pour l'heure, nous on écoute la plage titulaire de cet album, Narco Luptuos, extrait donc de l'album Narco Luptuos. Power play. Power play. Sign. Tell me your sign. Tell you mine. Voilà, c'était la plage titulaire de l'album Narcoluptuous du groupe Sugar Lime Blue. C'était notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. On va tout doucement se quitter. J'étais très heureux de passer ce début de soirée, enfin cette fin d'après-midi en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Et puis vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet aussi ou via notre page Facebook. On va se quitter avec un morceau instrumental du groupe autrichien Wolf's Heart. Ça s'appelle Soyala, The Longest Night. C'est de la flûte de pan, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un instrumental. On se retrouve donc le 2 octobre, c'est le 2 ou c'est le 3, je crois que c'est le 2 octobre, pour l'émission numéro 435, et puis la prochaine émission en français sur RGL, ce sera samedi prochain à 17h sur cette même fréquence. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt.